La cérémonie consacrée au 15e anniversaire de nomination de la classe Kim Jong-il à l'école normale Korwang Erdene de Mongolie s'est déroulée le 21 au Centre culturel de la Corée pour l'amitié en Mongolie. Y ont pris part le doyen et les enseignants de l'école normale, les diplomates et les officiels coréens du Centre culturel. Le doyen de l'école normale a indiqué que ces plus de 10 dernières années depuis la nomination de la classe sous le nom du général coréen, tous les enseignants et étudiants ont toujours été du côté du peuple coréen et ont exprimé la volonté de s'efforcer pour être exemplaires dans tous les secteurs, avec la fierté d'être membre de la classe Kim Jong-il, afin de devenir d'excellents piliers de Mongolie. Les participants ont vu ensuite le film coréen « L'hôpital pour enfants en nous ».